Naïf. Moi, mon kiff quand je suis à la station essence, c'est de tomber sur un chiffre rond à la pompe. Et je sais que je suis pas le seul à le faire. Il y a sans doute une fédée quelque part, parce que c'est hyper technique. Sauf que l'autre jour, j'ai mis du gasoil à la place de l'essence. Ça, c'était pas un kiff. On compatit. Ça arrive même au meilleur de la discipline. Pas de panique. À la Maïf, on vous dépanne même si vous êtes à l'origine de la panne. L'assurance auto du numéro 1 de la relation client. Maïf, assureur militant. Dans les conditions et limites du contrat. Lauréat assurance de 2004 à 2024, enquête annuelle Bearing Point Kantar réalisée auprès de 4000 personnes. France Inter. Aujourd'hui, dans Affaires sensibles, l'assassinat de Pier Paolo Pasolini. Le 2 novembre 1975, au petit matin, le corps du cinéaste italien est retrouvé supplicié sur une plage d'Ostie, près de Rome. Écrivain, poète, réalisateur, essayiste, Pasolini est au moment de sa mort une figure majeure de la vie artistique et intellectuelle de l'Italie, alors plongée dans la violence des années de plomb. Très vite, l'affaire semble résolue. Un prostitué romain de 17 ans, Pino Pelozzi, s'accuse du crime. Une prestation sexuelle qui aurait mal tourné. Mais il apparaît très vite évident que Pelozzi n'a pas agi seul, que le meurtre a probablement été prémédité et que son véritable mobile dépasse le jeune homme. S'ensuivent une enquête et un procès bâclés, des contre-enquêtes et des théories en tout genre, dont la plupart pointent la mafia, l'extrême droite ou les deux. Une partie de l'Italie, catholique et bien pensante, se plaît à voir dans cette affaire sordide un châtiment pour cet intellectuel communiste, homosexuel, et prompte à dénoncer la corruption des classes dirigeantes et de la bourgeoisie, dont son film « Salaud, les 120 journées de Sodome » est une métaphore dérangeante à souhait. 50 ans après, l'assassinat de Pier Paolo Pasolini reste l'un des grands mystères italiens. Notre invité aujourd'hui est René de Secatti, écrivain, traducteur, spécialiste de Pier Paolo Pasolini, auteur de plusieurs ouvrages sur le cinéaste, dont une biographie rééditée en 2022 aux éditions Folio dans une version augmentée. Affaires sensibles, une émission de France Inter, diffusée en direct. Récit documentaire, Héloïse Rambert. Rédaction en chef, Franck Cognard. Chargé de programme, Rebecca Denante. Réalisation, Frédéric Milano. Fabrice Drouel. Affaires sensibles. Sur France Inter. De novembre 1975, Ostie, sur la côte italienne, à une trentaine de kilomètres de Rome. Il est 1h30 du matin. Une voiture de carabiniers patrouille sur la route qui longe la mer. Soudain, une Alfa Romeo surgit, en excès de vitesse et en sens interdit. Les gendarmes italiens la prennent immédiatement en chasse. Quand ils arrêtent la voiture et mettent en joue le conducteur, ils voient sortir un très jeune homme aux cheveux noirs bouclés, qui s'empresse de reprendre la fuite à pied. Alors il faut courir derrière lui pour lui passer les menottes. On dirait une scène de l'un de ces gialli, ces polars italiens des années 70. Le fugitif s'appelle Giuseppe Pelozzi. Il n'a que 17 ans et il n'est pas censé être au volant d'une voiture de sport, volée de surcroît, une Alfa 2000 GT métallisée. Les carabiniers identifient rapidement le propriétaire, Pier Paolo Pasolini, poète, écrivain, essayiste, journaliste, cinéaste très célèbre. Et assurément, l'un des plus grands intellectuels italiens de son époque. La voiture part au dépôt et Pelozzi à la prison pour mineurs de Casal del Marmo à Rome, où il n'est pas dépaysé, cela dit. Ça fait un moment qu'il patauge dans la petite délinquance. Mais arrivé dans sa cellule, il s'épanche. Après tout, à quoi bon le cacher? De toute façon, la police va le découvrir. Il a tué Pasolini. Aux premières heures du jour, un corps vite identifié comme celui du cinéaste est découvert près de la mer sur un petit terrain de football au milieu des déchets et des mauvaises herbes. Le quartier, misérable, est proche du bidonville. C'est une habitante de l'un des baraquements voisins qui déclare avoir aperçu le corps en premier. Et elle s'exprime devant les caméras de la RAI, la télévision italienne de service public. C'est à cet endroit, exactement cet endroit-là où il y a les taches de sang cachées par un peu de terre, que le corps de Pier Paolo Pasolini a été découvert ce matin à la périphérie d'Ostie. Madame Maria Lollobrigida a été la première à découvrir le corps. À quelle heure ? À 6h30, je sortais de la voiture. J'ai dit, mais regardez-les, ils jettent de plus en plus de déchets sur la route. Je me suis approchée pour les ramasser et les jeter. Je suis arrivée à cet endroit-là, où il y a la boîte de conserve, et j'ai dit, mais c'est pas un déchet, C'est un cadavre. J'ai couru vers mon mari et mon fils. Je leur ai dit, regardez, c'est un mort, c'est un cadavre, c'est un mort, un mort. Alors mon mari m'a dit, va prévenir la police. Mon fils a couru prévenir la police et ils sont arrivés ensemble. Et à quoi il ressemblait? Comment il était habillé? De loin, j'ai vu un pantalon bleu clair et un maillot vert. Sa tête de ce côté et ses pieds de ce côté. Le débardeur de Pasolini est remonté dans son dos. Sa ceinture est défaite. La fermeture éclair de son pantalon est baissée. À côté de lui, deux planches de bois. L'une est pleine de sang avec des cheveux collés dessus. L'autre est cassée en deux. Sa chemise ensanglantée gît à plus de 70 mètres de lui. Il y a aussi des traces de pneus de la grille d'entrée du terrain jusqu'à lui. Le corps est retrouvé face contre terre. Quand les carabiniers le retournent, ils découvrent sa mâchoire fracturée, son oreille arrachée, ses phalanges fracturées et coupées, ses parties génitales tuméfiées, ses côtes cassées. Pasolini a été massacré. La nouvelle de sa mort horrible saisit l'Italie, déjà plongée dans la violence. Le pays traverse une décennie noire, trouble, celle des années de plomb, marquée par la lutte armée et les actes de terrorisme perpétrés tant par l'extrême gauche que par l'extrême droite. Succession d'enlèvements, d'assassinats politiques et de balles perdues, dont sont parfois victimes les passants. En 1975, en Italie, on tue et on meurt pour des idées ou pour être passé au mauvais endroit au mauvais moment. Le 5 novembre ont lieu les funérailles de Pasolini. Une foule immense vient lui rendre un dernier hommage, place Campo dei Fiori, à Rome. Des intellectuels, des acteurs, des metteurs en scène, des écrivains, des poètes, et une masse d'anonymes. Parmi eux, il y a l'un de ses très proches amis, pas tout à fait anonyme d'ailleurs, l'écrivain Alberto Moravia. Au moment de monter sur une estrade pour prendre la parole, ses notes lui échappent des mains. Alors il se lance et il improvise. Ces derniers jours, j'ai été continuellement hanté par les images de la mort de Pier Paolo Pasolini. Non seulement à cause de la cruauté, de l'atrocité de cette mort, mais aussi parce que je n'arrivais pas à en trouver le sens, la signification. Je veux vous dire que nous, ses amis, vous autres et, en définitive, tout le peuple italien avons perdu. Nous avons perdu un homme courageux, bien plus courageux que beaucoup, beaucoup de ses concitoyens et de ses contemporains. Nous avons perdu avant tout un poète. Et des poètes, il n'y en a pas beaucoup dans le monde. Il n'en est que trois ou quatre par siècle. À la fin de ce siècle, Pasolini sera l'un des rares à compter parmi les poètes. Mais qu'on ne s'y trompe pas. Tout le monde n'est pas aussi déchiré par la disparition de Pasolini. Une autre Italie, sans forcément l'avouer, est soulagée, voire satisfaite. Car l'homme était aussi admiré qu'il était haï. Pier Paolo Pasolini, 53 ans au moment de sa disparition, laisse derrière lui une œuvre poétique, littéraire et cinématographique majeure. Une œuvre éclectique, exigeante, métaphorique, composée d'ombre et de lumière, engagée à gauche. Lui est issu de la petite bourgeoisie. Son père est militaire et sa mère institutrice. Dans son premier roman, Ragazzi di Vita, paru en 1958, il dépeint une certaine jeunesse, bien différente de la sienne, et peu racontée, celle des faubourgs romains. Les ragazzi, en question, sont ces petits voyous qui vivent de menus larcins et de prostitution. On les appelle aussi en Italie les vitelloni. Ils intéressent autant l'intellectuel Pasolini qu'ils n'attirent l'homme à titre personnel, car il n'a jamais caché son homosexualité. Son cinéma, largement récompensé, s'impose dès 1961 avec notamment Acatone, puis Mamma Roma, l'Évangile selon saint Matthieu, Théorème et bien sûr l'inclassable Salò, les 120 journées de Sodome. Dans l'Italie conservatrice des années 60 et 70, les thèmes qu'il aborde et sa personnalité, sans concession, lui valent un véritable acharnement judiciaire. Au cours de sa carrière, il sera poursuivi 33 fois par les tribunaux. Brillant, charismatique, ténébreux, visage comme découpé à la serpe, Pasolini devient l'observateur le plus intransigeant des changements profonds de l'Italie de l'après-guerre. Nous avons perdu la voix la plus haute de notre mauvaise conscience, s'étrangle l'écrivain Vasco Pratolini à l'annonce de sa mort. car Pasolini fustige sans relâche le consumérisme, les médias de masse, la petite bourgeoisie corrompue et le conformisme. Les personnes que j'aime le plus et de loin sont celles qui n'ont peut-être même pas été jusqu'au CM1. En d'autres termes, les gens qui sont d'une simplicité absolue. Je ne fais pas de rhétorique dans mes déclarations, je ne dis pas cela par rhétorique. Je le dis parce que la culture petite bourgeoise, du moins dans mon pays, mais peut-être aussi en France et en Espagne, apporte toujours de la corruption et de l'impureté. Alors qu'un analphabète, quelqu'un qui a juste fait l'école primaire, a une certaine grâce qui se perd ensuite dans la culture. Et puis après, il y a un très haut niveau de culture. Mais la culture moyenne est toujours porteuse de corruption. Un auteur, quand il est désintéressé, passionné, est toujours une contestation vivante. Dès qu'il ouvre la bouche, il conteste quelque chose au conformisme, à ce qui est officiel, à ce qui est étatique, à ce qui est national, à ce qui est, en somme, convient à tout le monde. Ainsi, dès qu'il ouvre la bouche, un artiste est nécessairement engagé, parce qu'ouvrir la bouche est scandaleux, toujours. Marxiste convaincu, Pasolini est exclu du Parti communiste en 1949 pour homosexualité, après une accusation de détournement de mineurs. Son engagement politique se fait alors hors des partis. Et si l'écrivain énerve à droite, il prend aussi des positions qui hérissent à gauche. Par exemple, quand il soutient les policiers contre les étudiants en 68, car ce sont eux, selon lui, les fils du prolétariat, les flics. Non, pas ces jeunes nés avec une cuillère en argent dans la bouche et qui font des études. Ou quand il se prononce aussi contre la légalisation de l'avortement ou du divorce. Pasolini n'en est pas moins un auteur anticonformiste, subversif, souvent pessimiste, toujours visionnaire. Et c'est donc Giuseppe Pelosi, petit délinquant tout droit sorti d'un film pasolinien, surnommé La Grenouille qui s'accuse. Sa bague a même été retrouvée près du corps. Et voilà ce qu'il raconte à la police. Le 1er novembre, à 22h30, avec trois copains, il traîne près de la gare de Rome, la gare Termini, au lieu du trafic et des rencontres tarifées. Arrive à leur hauteur une Alfa Romeo. La vitre se baisse, un homme est au volant, c'est Pasolini. Mais Pelosi dit ne pas le connaître, alors il lui propose de faire un tour. Très bien. Les deux s'arrêtent rapidement dans un restaurant où l'écrivain a ses habitudes. Pasolini fait le plein d'essence et à 23h30, ils prennent la route pour Ostie. Pasolini veut emmener Pelosi dans un coin isolé. Là, ils feront ce qu'ils ont à faire et il lui donnera 20 000 lire. Ensuite, c'est l'histoire d'une légitime défense. Pasolini veut imposer une pratique sexuelle à Pelosi qui se rebelle. Le cinéaste devient alors violent. Le jeune homme le frappe à la tête avec une planche, puis de toutes ses forces avec un bâton, avant de partir en trombe, de rouler accidentellement sur le corps du poète et de se faire cueillir par la patrouille. Fin de la déposition. D'emblée, beaucoup de proches de Pier Paolo Pasolini n'y croient pas. Impossible qu'un freluquet de 17 ans ait infligé de telles blessures à un homme plutôt fort, sportif en tout cas, habitué au monde de la nuit, et toujours sur ses gardes. Et puis, lorsqu'il était arrêté, les vêtements de Pelosi étaient immaculés. Pas une goutte de sang, pas une égratignure. Invraisemblable pour un adolescent censé s'être livré à une lutte à mort. Dès le lendemain, des journalistes qui connaissaient personnellement l'écrivain se lancent dans une contre-enquête. Le 21 novembre, Oriana Faraci publie un scoop dans le journal L'Europeo. Pelosi disposait de plusieurs complices. Et ce sont aussi les conclusions du journaliste Furio Colombo, qui témoigne en 2022 dans un documentaire de la RAI intitulé Le cas Pasolini. J'ai eu l'idée d'aller frapper à toutes les portes des baraquements qui entouraient la zone désolée où ça s'est passé. Et je l'ai fait. Et j'ai eu aucune réponse, sauf une, celle d'un homme d'âge moyen qui m'a dit « J'ai entendu beaucoup de bruit, beaucoup de cris, et il venait de là. C'est tout ce que je peux dire, mais il y avait beaucoup de monde. » Les témoins interrogés par la presse décrivent un passage à tabac infernal, interminable. 30 minutes d'agonie pour Pier Paolo Pasolini. Il criait « Maman, maman », rapportent des voisins. Et, fait impensable, les enquêteurs ne prennent pas en compte leurs déclarations. Les journalistes exhortent bien les témoins à dire ce qu'ils ont vu et entendu cette nuit-là. Mais ils refusent, par peur des représailles. Les innombrables manquements de l'enquête sont aussi épinglés. et ils sont à peine croyables. Par exemple, le matin du 2 novembre, les policiers laissent agglutiner une foule de curieux autour du corps et donc piétiner la scène de crime. L'Alfa Romeo reste 4 jours au dépôt avant d'être confié à la police scientifique. 4 jours, portières ouvertes, exposées aux 4 vents et à la pluie de novembre. Et tout ça parce que l'instruction se focalise sur Pino Pelozzi et ses dires. Elle est bouclée en un temps record. En Italie, la loi fixe à 45 jours maximum la durée des investigations dans les affaires impliquant des mineurs. Le 2 février 76, soit 3 mois après le meurtre, le procès de Pelozzi s'ouvre. Le juge Alfredo Carlo Moro préside. C'est le frère d'Aldo Moro qui sera tué 3 ans après par ses ravisseurs des Brigades Rouges. Face à l'incurie des enquêtes préliminaires, il demande des contre-expertises au docteur Faustino Durante, sommité de la médecine légale en Italie. Or, l'expert ne croit pas à la thèse d'un garçon armé d'un ou deux bouts de bois. Et il s'exprime au journal télévisé le 7 octobre 1980. Je suis arrivé à la conclusion qu'il y avait 2 aspects qui, à mon avis, n'apparaissaient pas trop dans le rapport d'expertise du tribunal et qui n'avaient pas tellement été pris en compte. L'un d'eux était qu'on avait volontairement roulé sur le corps, qui avait donc un caractère volontaire à cet écrasement. D'autre part, que les blessures de Pasolini n'avaient pas pu être causées par les objets qui ont été retrouvés, à savoir la fameuse planche et par ce bâton qui était plus ou moins comme celui-ci, de cette taille, très friable, très petit. Et qui donc ne pouvait absolument pas causer toutes les blessures que Pasolini a subies. Au terme de 3 mois de procès, Pino Pelozzi est reconnu coupable d'homicide volontaire avec le concours d'inconnus. Tel est le libellé. Parce que le tribunal s'est rangé à cet avis. Le jeune homme n'a pas pu agir seul. Il écope de 9 ans, 7 mois et 10 jours de prison. Se produit alors une chose jamais vue dans l'histoire judiciaire italienne. Le parquet général attaque le jugement avant même d'en avoir lu les motivations. Ce concours d'inconnus de toute évidence appelle une réouverture de l'enquête. En appel, le parquet s'emploie à démonter point par point les éléments qui plaident pour un crime collectif. Mais le verdict est finalement requalifié en homicide volontaire. Alors les complices, disparus, ou presque, leur présence est jugée extrêmement improbable. Giuseppe Salme, juge assesseur au premier procès, exprime son amertume en 2022. Il y a eu une opposition de points de vue, non seulement procédurale, mais idéologique. Entre ceux qui soutenaient que, puisqu'il y avait des aveux, il était inutile d'enquêter au-delà, et ceux qui, au contraire, comme c'est écrit dans le verdict de première instance, ont affronté le procès comme on affronte tout procès où la vie d'un homme a été ôtée. Et peu importe que cet homme soit un artiste reconnu dans le monde entier ou qu'il pense d'une manière ou d'une autre. Nous savions qu'il y avait eu des complices. Il devait donc y avoir un mobile, une cause, mais ils n'ont pas pu être identifiés. Et ça, en tant que citoyen, ça ne peut que nous laisser insatisfaits. Oui, c'est un peu comme si la justice avait peur de découvrir qui sont ces mystérieux inconnus, et surtout leurs commanditaires. Se pourrait-il qu'il en sorte une vérité inquiétante ? Officiellement, Pasolini est donc la victime d'une vulgaire affaire de mœurs. Il avait une vie dissolue, il l'a payée, voilà tout. Difficile de ne pas voir là la revanche de cette petite Italie corrompue et compromise que le poète a combattue toute sa vie. Pelozzi, lui, s'accroche à son improbable version. Il n'en démordra pas pendant 30 ans avant de changer son fusil d'épaule. Ridendo di amare. Vous écoutez Affaires Sensibles, aujourd'hui la mort violente et mystérieuse de Pier Paolo Pasolini. Affaires Sensibles, Fabrice Drouel. Pour le meurtre du poète italien, seul le jeune Pino Pelozzi est donc condamné. Mais il ne reste pas longtemps derrière les barreaux. Dès l'année 83, il bénéficie d'une liberté conditionnelle. Les années suivantes, il repasse ensuite régulièrement par la casse-prison pour divers délits. Il ne disparaît pas non plus des radars médiatiques, notamment parce qu'il publie une première autobiographie en 1995. Mais c'est en 2005 qu'il fait une sortie fracassante dans l'émission de la RAI L'Ombra del Giallo, l'ombre du jaune. Il donne alors une toute autre version d'affaire. Je suis innocent et je ne suis le complice de personne. Expliquez-nous mieux, vous n'êtes pas l'assassin de Pasolini ? Non. J'ai vécu 30 ans dans la terreur. J'ai été menacé, moi, ma mère, mon père. Maintenant qu'ils sont morts, je suis seul. Je n'ai plus peur, parce que j'ai fait 22 ans de prison. J'ai 46 ans, je suis seul. Je n'ai plus peur, sûrement parce que ces personnes sont soit mortes, soit âgées. Mais je ne les connais pas, je le répète, je ne les connais pas. Donc ce soir, vous nous dites... Je ne suis pas l'assassin de Pier Paolo Pasolini. Par ces mots, vous revenez sur une thèse que vous avez soutenue pendant 30 ans. Pelozzi ne donne que des indications très vagues sur ces personnes. Elles étaient trois, ont surgi d'on ne sait où. Les hommes en question avaient un accent sicilien ou calabré, allez savoir. Et pendant qu'ils massacraient Pasolini, ils auraient crié « sale pédé, sale communiste ». Pelozzi, lui, n'a pas participé à l'exécution. Il a même essayé de le défendre. Présent sur le plateau de la RAI, ce soir-là, les deux avocats du cinéaste demandent immédiatement une réouverture de l'enquête. Refus du parquet de Rome pour cause de manque d'éléments. Difficile de se fier à Pelozzi, en effet. Ses propos sont toujours assez douteux. Trop d'incohérences. Il ne dit certainement pas toute la vérité. Et puis, de toute évidence, c'est un homme qui ne dit pas non plus non à un peu de publicité. Les années suivantes, il n'aura de cesse de changer de version et de lâcher des informations qui lui semblent revenir en mémoire, comme ça, à la faveur de la sortie d'un ouvrage ou d'un autre sur l'affaire. En 2011, notamment, dans une deuxième autobiographie, il n'évoque non plus trois, mais six hommes. Il cite même deux néofascistes romains, les frères Borsellino. Problème, ils sont morts. Et les morts peuvent difficilement affirmer ou confirmer. Il revient aussi sur un élément clé de ses témoignages précédents. Non, il n'a pas rencontré Pier Paolo Pasolini le soir du 1er novembre 1975, mais au début de l'été de cette année-là. Et si Pasolini s'est retrouvé à Ostie, c'est parce que des gens lui ont intimé l'ordre de l'y conduire pour qu'il récupère des bobines volées de son dernier film, Salo ou les 120 journées de Sodome. D'ailleurs, un vol a bien eu lieu, c'est un fait avéré. Au cœur de l'été 75, des négatifs en effet sont dérobés dans les studios romains de la Technicolor, dont ceux du Salo de Pasolini. Cette idée que le meurtre du cinéaste ait pu être en lien avec ce vol n'est pas nouvelle. Déjà, en 76, le producteur italien Enrico Marusig évoquait cette piste au journal télévisé français. Pasolini avait fait un film, certains négatifs de ce film avaient été volés à la Technicolor, et on avait demandé 1 milliard de lire pour les racheter, avec un film de Fellini aussi. Pasolini fut à l'origine du refus du producteur, parce qu'il avait dit que lui était un grand artiste et il pouvait faire un film avec des déchets. Il paraît qu'une certaine mafia italo-américaine qui était derrière tout ça avait juré de faire payer à Pasolini cette histoire. Le producteur de Pasolini, Alberto Grimaldi, essaie d'abord de négocier le prix de la rançon, mais ne rentre pas finalement dans le jeu des maîtres chanteurs. Tout compte fait, les dommages financiers et artistiques infligés ne sont pas si importants. Pasolini, d'ailleurs, ne semble pas particulièrement affecté par cette perte. En septembre et en octobre 1975, le cinéaste se consacre au montage de Salò, avec certains plans de second choix, c'est vrai. Mais d'après son monteur, il est satisfait. Fin octobre, il a en main une première version de son film. Et quel film ! Adapté du Marquis de Sade, c'est une œuvre scandaleuse, noire, éprouvante, sur ce que le pouvoir fait subir aux hommes. Dans Salò, quatre dignitaires nazi-fascistes, en 45, infligent les pires sévices à de jeunes gens séquestrés dans une villa de la République fantoche de Salò, sur les rives du lac de Garde. Le film, c'est à prévoir, va choquer. Fin octobre, Pasolini reçoit un coup de téléphone. On lui explique que le vol des bobines du film est une regrettable erreur, et qu'en fait, on ne veut pas d'argent, et que le fruit de son travail va lui être restitué. Ce sont en tout cas les dires de Sergio Citti, ami et collaborateur de Pasolini. Depuis le jour de l'assassinat, il en est convaincu, sa mort est liée à ses bobines. Alors, en 2005, lorsque Pelosi évoque un crime collectif, il crie de nouveau sa vérité dans la presse. Peu avant sa mort, Pasolini doit se rendre à Stockholm à l'invitation du Centre culturel italien-suédois, puis à Paris pour superviser le doublage de Salò. La veille de son départ, il s'en ouvre à Citti. Là, il doit partir, mais à son retour, il ira récupérer les négatifs. À Paris, la veille de son assassinat, il donne cette toute dernière interview télévisée, en l'occurrence chez Philippe Bouvard. Est-ce que vous allez être, quand votre dernier film va sortir, il s'intitule « Les 120 jours de Sodome », une fois de plus celui par lequel le scandale arrive ? Je pense que scandaliser, c'est un droit. Être scandalisé, c'est un plaisir. Et le refus d'être scandalisé, c'est une attitude moraliste. Est-ce que vous avez parfois la nostalgie de l'époque où les gens vous insultaient dans la rue ? On m'insulte encore aujourd'hui. Et ça vous cause un certain plaisir ? Je ne le refuse pas, parce que je ne suis pas un moralisateur. Pourquoi avez-vous entouré le tournage des 120 jours de Sodome d'un tel mystère ? Ce mystère, parce que toutes les œuvres doivent naître dans le mystère. J'ai essayé de la défendre plus que les autres parce qu'il y avait des dangers immédiats plus lourds, mais rien de spécial. Qu'est-ce que vous appelez des dangers immédiats ? L'apparition d'un moraliste qui refuserait le plaisir d'être scandalisé. Rentré à Rome, et toujours d'après Sergio Citti, Pasolini se serait rendu à Ostie dans le but de récupérer ses négatifs, accompagné de Pelosi, qui peut-être, a joué les facilitateurs. Là, il serait tombé dans un piège tendu par la mafia sicilienne et le mouvement d'extrême droite Ordine Nero, l'Ordre Noir. Mais cette explication aussi des zones d'ombre. Enfin, pourquoi le réalisateur se serait-il autant soucié de ses roches devenues inutiles ? En tout cas, la commission parlementaire italienne antimafia, elle, y croit. Le 16 décembre 2022, elle rend un rapport qui juge la piste crédible et l'audition d'un repenti de la pègre romaine qui confirme avoir participé au vol des bobines corrobore cette hypothèse. Bien, mais pourquoi a-t-on tué Pasolini ? Après tout, la question reste entière. En 75, l'homme a des ennemis partout. Comme le disent ses amis de l'époque, Pasolini, tout le monde l'a sur l'estomac. C'est qu'à force de rupture et de provocation, il s'est isolé, Pasolini, et il dérange plus que jamais. Son exécution pourrait être due à ses écrits, beaucoup le pensent, et on l'a dit au début de ce récit. Pasolini est aussi journaliste. et au début des années 70, il publie ses articles dans les colonnes de journaux de tous bords, comme Paese de Sera, Il Mondo, ou dans le quotidien Il Corriere della Sera, classé au centre-droit, typiquement le journal de cette petite bourgeoisie milanaise qu'il exècre. Le 14 novembre 1974, dans ce quotidien confectionné et imprimé à Milan, il écrit un éditorial très violent, titré « Le roman des massacres ». C'est une charge frontale contre la classe dirigeante italienne, qu'il accuse d'ourdir la violence qui ensanglante le pays depuis le début des années de plomb, 5 ans auparavant. Sa pensée est limpide et son constat lucide. Ceux des palais de la République et ceux qui contrôlent l'information connaissent l'identité des responsables de ces attaques terroristes. Ils ont des preuves qui permettraient d'épingler cette bande de tueurs et leurs commanditaires. Mais tous se tiennent par la barbichette et se taisent, car ils ont des intérêts communs. Voici les mots de Pasolini. Je sais. Je sais les noms des responsables du massacre de Milan, le 12 décembre 1969. Je sais les noms des responsables des massacres de Brescia et Bologne dans les premiers mois de 1974. Je sais les noms de ceux qui, entre deux messes, ont donné des instructions et assuré de leur protection politique de vieux généraux, de jeunes néofascistes et même néo-nazis, et enfin des criminels ordinaires. Je sais. Mais je n'ai pas de preuves, ni même d'indices. Je sais parce que je suis un intellectuel, un écrivain qui s'efforce de suivre tout ce qui se passe. Au moment de sa mort, Pier Paolo Pasolini travaille à un projet d'envergure et tout le monde le sait depuis plusieurs mois. J'ai commencé un livre qui m'occupera peut-être pour le reste de ma vie, dit-il en janvier 75 à La Stampa, le grand journal turinois. Je ne veux pas en parler et pourtant, sachez qu'il s'agit d'une sorte de somme de toutes mes expériences. Ce livre, c'est Pétrole. Pasolini l'imagine en 2000 pages, il ne pourra en écrire que 500. L'ouvrage s'annonce comme une fresque romanesque autour de la mort mystérieuse d'Enrico Mattei, magnat du pétrole, disparu en 1962 dans un crash d'avion et dont nous vous avons raconté l'histoire dans un autre numéro d'Affaires Sensibles. Dans les pages de Pétrole, Mattei et son successeur, l'ENI, la société italienne des hydrocarbures, Eugenio Cefis, apparaissent sous des nouveaux emprunts. Mais ils sont parfaitement identifiables. Pasolini développe une thèse. Cefis aurait fait liquider Mattei pour prendre sa place. L'auteur l'a-t-il payé de sa vie? Après tout, c'est arrivé à d'autres avant lui. En 70, Mauro De Mauro, un journaliste qui enquêtait sur l'affaire Mattei, a été supprimé, vraisemblablement par la mafia. Et, mystère dans le mystère, un chapitre du livre aurait été volé au domicile romain de Pasolini après sa mort. Le lien entre le crime et le roman est entouré de beaucoup de fantasmes. Dans les faits, il n'enquêtait pas lui-même sur l'affaire Mattei. Donc, rien ne laisse penser que Pasolini était en possession d'informations inédites et compromettantes. Il l'a dit lui-même dans son article, il n'a pas de preuves. À moins qu'il n'en ait obtenu quelques-unes entre-temps. Durant les dernières semaines de sa vie, il se dit victime de menaces. Plusieurs témoins trouvent d'ailleurs Pasolini nerveux, agité, pessimiste. Notamment un journaliste du Domenica del Corriere qui l'accompagne à Stockholm quelques jours avant sa mort. Dans le documentaire Le cas Pasolini de 2022, Giovanni Giovanetti, journaliste et auteur de plusieurs enquêtes sur l'affaire, rapporte une anecdote glaçante relative à ce même séjour. Quelques jours avant sa mort, il est en Suède. Il est à table avec quelques personnes, dont son éditeur et son traducteur. À un moment, Pasolini s'absente et il entend dire « j'ai peur ». Mais il parle tout seul. « Qu'est-ce que tu as dit, Pier Paolo ? » ?»« Qu'est-ce que j'ai dit ?»« Tu as dit que tu avais peur. » »« J'ai dit que j'avais peur. » »« Ce n'est pas vrai. » »« Je n'ai pas dit que j'avais peur. Je n'ai pas peur. » Il savait qu'il était en danger. « In pericolo. » Le 1er novembre, entre 16h et 18h, Pasolini accorde une ultime interview au journaliste Furio Colombo. Il parle société italienne, éducation, progrès. L'écrivain tient aussi des propos plus personnels et très troublants a posteriori. Pour la vie que je mène, il y a un prix à payer. C'est comme quelqu'un qui descend aux enfers, déclare-t-il. À la fin de l'entretien, il n'est pas complètement satisfait de ses réponses. Donc il enverra des notes le lendemain à Colombo. Avant de le quitter, le journaliste lui demande s'il a une idée de titre pour l'interview. Pasolini hésite et lui répond « Tu ne sais jamais qui est en train de penser à te tuer. Mais ce titre, si tu veux, on peut prendre celui-là, tiens. Nous sommes tous en danger. » Le soir même, il est assassiné. Presque 50 ans après les faits, nous ne connaissons toujours pas le nom des meurtriers, ni leur mobile avec certitude. La justice rouvre pourtant le dossier en 2008, car 5 traces d'ADN sont retrouvées sur le pull de Pasolini. Mais l'affaire est classée en 2015, sans avoir pu trouver à qui appartenaient ces empreintes génétiques. Reste que les amis de l'écrivain sont tenaces. En mars 2023, ils demandent une troisième réouverture du dossier. L'un d'eux, David Grieco, confie alors son amertume, mais aussi ses espoirs à une agence de presse italienne. N'oublions pas que Pasolini, malgré le centenaire de sa naissance, malgré tout ce qui s'est passé, reste, pour la justice italienne, un homosexuel qui prend un jeune garçon à la gare, fait 30 km et l'emmène à l'hydrobase d'Osti. Et quand le garçon a des doutes, ne veut plus de cette relation, il lui saute dessus, le bat, l'écrase et s'en va. C'est la vérité judiciaire que nous avons, et c'est honteux. Si nous pouvions identifier, non pas tant les assassins, si tant est qu'il y en ait un qui soit encore en vie, mais les donneurs d'ordre. L'affaire Pasolini pourrait être une clé pour accéder à toute la période de la stratégie de la tension en Italie, qui est un énorme morceau d'histoire que nous n'avons pas, que nous ne pouvons pas transmettre à nos enfants et que nous n'avons pas résolu. Nouvelle porte qui se ferme. En novembre dernier, le parquet de Rome estimait qu'il n'y a pas matière à se replonger une nouvelle fois dans ce traumatisme national. Et il y a maintenant bien peu de chances que la lumière soit faite sur la disparition de Pier Paolo Pasolini. Reste son œuvre, cinématographique en premier lieu, dont l'évangile selon saint Matthieu, témoignage de son catholicisme chevillé au corps, communiste et catholique. Pasolini aura toute sa vie brouillé les pistes. France Inter. Affaires sensibles. Fabrice Drouel. Aujourd'hui, la mort de Pier Paolo Pasolini. Notre invité René de Secati. Bonjour. Bonjour. Vous êtes écrivain, traducteur, spécialiste de Pasolini, auteur de plusieurs ouvrages sur lui, dont une biographie rééditée en 2022 aux éditions Folio, dans une version augmentée, et à l'occasion du centenaire de la naissance de Pasolini, qui est né à Bologne. On l'avait pas dit. Ben voilà, c'est dit. J'ai envie de vous demander d'abord votre intime conviction, vous n'êtes pas journaliste judiciaire, mais votre intime conviction sur la mort de Pasolini. Moi, je suis du même avis que David Grieco ou de toutes les personnes qui ont réouvert à titre privé ou journalistique le procès. Enfin, ils ont essayé. C'est évident maintenant que ce qu'avait dit Oriana Fallaci, d'ailleurs, vous avez cité l'article qu'elle avait publié dans l'Europeo, c'est évident que Pelosi n'était pas seul et que moi, je suis prêt à croire le deuxième livre de Pelosi, parce que dans ce deuxième livre, il explique comment, au fond, Pasolini l'a suivi uniquement pour ne pas le mettre dans l'embarras. Je pense que Pasolini, bien sûr qu'il se savait menacé, mais il se croyait plus fort qu'il n'était. Et donc, il a accepté d'aller sur cette plage d'Ostie et puis il attendait des inconnus. Et donc là, ça a très mal tourné. Moi, je me suis longtemps interrogé, est-ce que le meurtre était vraiment programmé ou est-ce que c'était pas une simple intimidation? Intimidation. Oui, ça pourrait être ça. Très, très musclé, mais bien enfin sûr, une intimidation, et que ça a mal tourné, effectivement. La chose très très complexe que montrent tous les livres qui ont été écrits sur la mort de Pasolini, c'est qu'il y avait des commanditaires qui ne se connaissaient pas entre eux. C'est-à-dire qu'il y a eu plusieurs couches de d'agresseurs. Enfin, les agresseurs étaient des petites mains, en fait. Et donc, c'était en effet la pègre, probablement la pègre de Catane, comme on l'a laissé entendre, et aussi la bande de la Maliana, qui était une bande donc de la banlieue de Rome, qui était facilement utilisable pour ce genre de choses. Maintenant, qui était derrière? C'était pas uniquement d'ailleurs, hein, l'extrême droite, le problème est ça, beaucoup plus grave. Ça c'était le genre du gouvernement. C'était la démocratie chrétienne. Oui, il a décidé. Et alors là, bon, à partir du moment où le gouvernement a envie de se débarrasser de quelqu'un, il a de très très bonnes armes pour cacher tout. Voilà, donc là on est dans une situation, au fond, que je ne croyais pas possible en démocratie, mais qui finalement était possible dans cette Italie-là. Alors, on ne peut pas prétendre comprendre Pasolini si on n'a pas beaucoup lu autour de lui, et notamment votre livre, parce que c'était un homme à la pensée très complexe, avec des prises de position étonnantes, notamment pour un homme de gauche. On l'a dit, il était contre la légalisation de l'avortement ou du divorce. Ça, c'est son côté chrétien, j'imagine. Pas uniquement. Ah oui, dites-moi. Non, à propos du il faut nuancer un petit peu pour l'avortement, parce que l'avortement, il n'était pas hostile à l'avortement thérapeutique, bien entendu, ou à l'avortement après un viol. Hein, donc, c'était pas la position sectaire réactionnaire. Mmh. Hein, mais simplement, il pensait que l'avortement banalisait les rapports hétérosexuels entre hommes et femmes et occultait une autre sexualité. C'était le côté militant un peu inattendu. Homosexuel. D'accord. Oui. C'est-à-dire qu'il pensait qu'il y avait une vulgarité hétérosexuelle qui s'était mise en place et que, d'une certaine manière, il avait favorisé par ses propres films. Comment vous résumeriez sa pensée ? Alors, je sais que c'est difficile, parce que, justement, elle est très complexe, elle est contradictoire. Qu'est-ce qui l'animait ? Qu'est-ce qu'il cherchait au-delà de son art, et aussi à travers son art ? Vous savez, c'est un poète. Il ne faut jamais oublier que Pasolini est un poète, et donc il exprimait sous forme poétique ses prises de position. On a cité pendant le sujet le fameux poème contre les étudiants, mais c'était un poème qui a été présenté comme une espèce de pamphlet, comme s'il avait écrit un article, parce que le texte a paru dans l'Espresso, donc dans un hebdomadaire. Mais en fait, il avait une pensée poétique qui était ambiguë, c'était pas uniquement pour défendre les policiers. Après, il l'a commenté très longuement. Vous voyez, donc, le problème, c'est qu'il s'exprimant dans des grands journaux, dont le Corriere della Sera, en première page, on avait un peu tendance à le transformer en éditorialiste, qu'il n'était pas. Parce que il faisait des films, il écrivait des livres complexes, et donc il a été, si vous voulez, poussé dans des positions caricaturales qu'il a payé très cher. Parce que ses lecteurs ne le comprenaient pas complètement. Alors ce n'était pas justement aussi en disant qu'il valait mieux ne pas avoir fait d'études et s'arrêter au cours moyen que les choses allaient s'arranger. Donc là, il finissait par avoir des positions assez inacceptable en disant qu'il fallait fermer les écoles, etc. Bon, c'est parce que sa haine de la petite bourgeoisie lui faisait prendre des positions extrêmes sans se rendre compte qu'il avait face à lui des ennemis très puissants. Oui, et très, très puissants. Et qui avaient les leviers. France Inter. Affaires sensibles. Aujourd'hui, la mort de Pier Paolo Pasolini. René De Secati, vous avez traduit Pétrole, le livre dont on a parlé, roman inachevé, il voulait en faire à 2000 pages, je crois qu'il en a écrit 500, vous avez 500 pages plus, à traduire. Oui, un peu plus, parce qu'en plus, il y a les commentaires qui sont nécessaires pour la lecture de ce livre. Ah, oui. C'est un livre extrêmement complexe, où en effet, il voulait tout mettre, c'est-à-dire que il y a au centre l'enquête, en effet, sur la mort de Mattei, qui justifie le titre du livre, mais il y a beaucoup d'autres choses, parce que c'est un livre aussi qui voulait changer le statut du roman, donc il y a une partie théorique qui est importante. Et je dis toujours qu'il faut lire en même temps que Pétrole, description de description, qui sont ses critiques littéraires, parce qu'on voit quelles sont les sources de Pétrole. Enfin, il a fait beaucoup de lectures sur l'anthropologie, sur la poésie, bien sûr, sur les différents grands romans classiques, dont ceux de Dostoïevski, parce qu'en fait, Pétrole intègre de nombreuses pages, des chapitres entiers des démons de Dostoïevski. Et il y a en même temps une sorte de rêve d'un film qu'il pourrait tourner, et donc il y a une partie qui apparaît un peu comme un scénario à l'intérieur du livre, et il y a aussi une prise de conscience de sa propre sexualité, mais dont il ne parle pas de manière directe, vous voyez, donc il y a une partie sexuelle très très importante. importants dans le livre, dont un chapitre qui souvent est d'ailleurs représenté au théâtre, qui est le chapitre de la vie à Casilina, qui où on voit le personnage principal avoir des rapports sexuels avec une cinquantaine de garçons. Donc c'est évidemment un chapitre extraordinairement provocant et où il fait un autoportrait mais ambigu, parce qu'en réalité le personnage n'est pas lui. Vous voyez, et tout est toujours cette ambiguïté, il convoque notre réflexion, notre intelligence, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est pas, donc il n'est pas forcément abordable et dans son cinéma et dans sa littérature. Ça dépend. Il est exigeant quand même. Ça dépend. Il y a des poèmes, vous savez, si Pasolini appartient maintenant, comme l'a dit Moravia, au fond, c'est un des plus grands poètes du XXe siècle, il le doit à deux ou trois poèmes qui sont très faciles à lire. Le supplique à ma mère est un poème d'une très grande facilité, à un pape où il s'en prend à Pie XII, est un poème absolument limpide. Vous voyez, il a écrit aussi des poèmes très limpides, mais bien sûr, c'est une œuvre difficile, et son cinéma de la même manière. Alors justement, son cinéma, il y a le fameux Salaud, le 120 journées de Sodome. Je voudrais pas que ce film-là occulte tout le reste, mais enfin quand même, celui-là, il pose question. On peut y voir une métaphore de la déliquescence de la bourgeoisie italienne et peut-être même de son gouvernement, piloté par la démocratie chrétienne si longtemps. Qu'est-ce qu'il veut nous dire à travers ce film qui est difficile à regarder, ne serait-ce qu'à regarder, c'est d'ailleurs difficile de tenir jusqu'au bout. Beaucoup de gens partent au milieu. Oui, moi j'ai assisté d'ailleurs à la première qui avait lieu au théâtre de Chaillot, et des gens sont partis, ont crié, ont demandé d'arrêter la projection. C'était très mouvementé. Très mouvementé. Bon, il faut dire qu'il y avait la mémoire aussi, et ça a été trois semaines après la mort de Pasolini. Donc l'image de Pasolini écrasé, massacré, se surimposait sur l'écran. Hein. C'était ça le grand problème. Mais Pasolini, c'est-à-dire qu'avait fait trois films sur la sexualité complètement épanouie, heureux, qui était la trilogie de la vie, donc Décaméron, Canterbury et Les Mille et Une Nuits. Et il a voulu renverser complètement le rôle de la sexualité, qui n'est plus un moyen d'épanouissement et de bonheur, mais devient au contraire un moyen d'humiliation. Domination et de domination. Et donc Pasolini, bon, c'était pas le premier film politique dérangeant. Il avait fait un autre film qui était Porcherie, qui avait tout à fait... c'était d'ailleurs pire, si on peut dire, mais parce que c'était sur la zoophilie. Donc c'était quelque chose où il voulait montrer aussi une espèce de dégoût de la sexualité pour parler de ce qui vraiment le dégoûtait, qui était le fascisme, en réalité. Sûr, et donc, sûr. Il pensait que la métaphore allait être extrêmement efficace. Bon, il n'a pas vécu pour voir la réaction des gens. Mais je ne voudrais pas qu'on ait uniquement la vision d'un Pasolini comme ça, uniquement provoquant, parce que aussi, la gloire de Pasolini, il la doit en grande partie à l'évangile selon saint Matthieu. Oui. Donc, d'accord, il y a aussi Théorème, qui est violent quand même. Le propos, la situation est violente. La situation est violente, mais en même temps, c'est un film sur la révélation divine. C'est violent parce que là aussi, il a utilisé la sexualité comme métaphore, mais comme métaphore de la révélation et du bouleversement que pouvait vivre une petite famille bourgeoise. Mais non, je parle simplement de l'Évangile selon saint Matthieu parce que ça a été un film beaucoup plus consensuel. Merci infiniment René de Secati, merci pour vos éclairages. Au revoir. Je vous en prie, au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, l'assassinat de Pier Paolo Pasolini, une émission que vous pouvez réécouter en podcast bien sûr. À la technique, aujourd'hui il y avait Fabrice Desmaz. Chaque bijou renferme un secret, une histoire d'amour ou de séparation, un mythe ou une malédiction. Découvrez La Voix des bijoux, le podcast de l'École des arts joailliers avec le soutien de Van Cleef & Arpels qui vous dévoile les fascinantes histoires et les savoirs secrets des bijoux à travers le monde. À retrouver prochainement sur toutes les plateformes d'écoute.